très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Le 6 août 2006, 17 salariés d'Action contre la faim sont retrouvés morts dans leur bureau de Mutur, à l'est du Sri Lanka. 13 hommes, 4 femmes, tous ont reçu une balle dans la tête. C'est le plus important massacre jamais perpétré contre une ONG, mais il n'intéresse toujours personne. Toutes les victimes sont sri-lankaises. La fabrique d'un État à cette échelle, c'est du jamais vu depuis 100 ans. Nous devons leur apporter tout notre soutien. Cela ne va pas prendre 5 ou 10 ans, mais plutôt une génération. La communauté internationale doit donc être préparée à aller jusqu'au bout. Staffan de Mistura est le troisième envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Nous avons pu suivre Staffan de Mistura durant les 5 mois qui ont précédé la chute d'Alep Est. 5 mois qui resteront comme le symbole de l'impuissance de la communauté internationale. Beaucoup me demandent, Monsieur de Mistura, pourquoi ne démissionnez-vous pas à ce stade? Tout cela ne mène franchement nulle part et cela enverrait un signal fort. Mais non, je ne démissionnerai pas. Nous sommes ensemble toute la semaine en compagnie, et c'est une joie, d'Anne Poiret, réalisatrice qui vient présenter son dernier opus autour de Mossoul, dont nous parlerons vendredi et qui sera évidemment diffusé dimanche soir sur RTS2 dans la case Histoire vivante. Anne Poiret, c'est ce qu'elle nous disait hier, ça fait maintenant une double décennie qu'elle est derrière l'œilleton, derrière la table de montage ou devant des bureaux de décideurs à expliquer, commenter, raconter, justifier le choix de ces projets. Aujourd'hui, on va travailler sur trois objets. Mutur, un crime contre l'humanité, Fabrique d'un État, dont on avait déjà parlé dans Histoire vivante, qui porte sur le Soudan du Sud, et Syrie, Mission impossible. Alors, peut-être dans un premier temps, je vais vous demander de nous faire un peu le résumé à l'époque de chacun de ces documentaires. On s'interrogera après, ou on s'intéressera plutôt, puisque certains d'entre eux ont déjà un certain nombre d'années, ce que le sujet, là où le sujet en est aujourd'hui, puisqu'il y a notamment, par exemple, concernant le premier, Mutur et le Sri Lanka, l'objet d'un litige, et les litiges dans ces domaines-là sont parfois des objets de longue durée. Et puis, comme je l'avais annoncé hier, je m'entretiendrai avec vous sur ce thème que j'ai pour ma part prélevé de ces trois sujets, qui est la notion d'échec. On commence par bonjour, oui, c'est quand même la moindre des choses. Alors, Mutur, un crime contre l'humanitaire, félicitations tardives mais sincères, prix Albert Londres en 2007. Il s'agit donc d'un objet qui se déroule au Sri Lanka, et c'est une histoire absolument sinistre, tragique et sordide, qui voit l'assassinat de 17 membres de l'ONG Action contre la faim. Alors, racontez-nous un petit peu plus. En août 2016, au Sri Lanka, dans le village de Mutur, au moment de la reprise de la guerre, on est dans les prémices de la reprise de la guerre au Sri Lanka, et à ce moment-là, le village est entre les tigres et l'armée, et pendant quelques jours, les tigres tamouls, au cas où. Et dans cet intervalle de cette reprise de la ville qui change de main deux fois de suite en quelques jours, l'équipe d'Action contre la faim qui est là, qui sont des nationaux, qui sont des Sri Lankais, se retrouve au milieu des combats. Action contre la faim, à ce moment-là, et comme toutes les ONG présentes, pour les conséquences du tsunami, pour lequel ces ONG ont eu énormément de fonds, et donc ils sont toujours en train de d'aider les populations sur des questions d'eau, notamment d'accès à l'eau. Et donc ils se retrouvent coincés dans une situation de conflit qui est pas du tout prévue, ils sont pas du tout là pour ça. Et ils ont l'ordre de rester, de s'identifier, ce que les humanitaires sont supposés faire en temps de guerre, c'est-à-dire s'identifier, proclamer, mettre en avant leur neutralité et être protégés normalement par ça. Donc ils se mettent dans leur bureau. Ils restent confinés alors que toute la population fuit. Pardonnez-moi, mais pour que ce soit bien clair, l'ordre vient de qui ? De leur ONG. Leur ONG, contrairement aux autres ONG, contrairement aux populations, leur ordonne de rester dans leur bureau et rester en contact radio. Et le contact radio est perdu et on apprend plus tard qu'ils ont été sortis des bureaux et exécutés tous, mis à genoux, exécutés tous une balle dans la tête. Et la plupart sont des Tamouls, il y a quelques musulmans parmi eux. Moi, je me souviens très bien du jour où j'ai entendu la nouvelle, parce qu'à l'époque, c'était quand même le plus grand crime contre l'humanitaire qu'il y avait. Une organisation humanitaire, donc c'était vraiment quelque chose de très fort. Et puis ça a très vite disparu de l'actualité parce que les 17 morts étaient des nationaux, et donc le flot de l'actualité française a perdu de l'intérêt pour ça. Mon patron à l'époque, qui était Jérôme Bellet, qui dirigeait donc C'est dans l'air, a demandé en l'occurrence à moi et un JRI qui s'appelle Gwen Le Guin, de partir enquêter sur place 4 mois après pour savoir ce qui s'était passé, où est-ce qu'on en était, est-ce qu'on savait qui les avait tués, pourquoi, comment, voilà. Et donc on a enquêté, et c'est vrai que ce dont on s'est vite aperçu, c'est que il y avait les apparences d'une enquête, mais qu'en réalité rien n'avançait, rien n'avancerait, que ce serait couvert par le gouvernement, et que surtout ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que les membres, tous les gens qui avaient été présents, qui avaient été récupérés les corps, qui étaient des nationaux, étaient tous en danger, les familles étaient en danger, beaucoup de gens fuyaient et étaient très remontés contre l'ONG Action contre la faim pour leur gestion, en tout cas à la fois du moment du drame et puis surtout sur la façon dont ils étaient pris en charge et dont ils avaient l'impression d'être laissés tomber. Donc le documentaire est à la fois une enquête, une investigation pour savoir qui les avait tués, mais aussi cette espèce de... Voilà, on s'est fait l'écho de ça, c'est-à-dire du fait que personne n'arrivait en France, que la France les laissait tomber, que les familles percevaient l'ONG comme ne faisant pas ce qu'il fallait pour eux. Et donc, il y a ce sentiment dans le documentaire qui est très ambigu et très dérangeant, en fait, sur ce que ça nous raconte de nos ONG. Combien de temps encore à attendre une solution pour ces familles ? Retour en Inde. Eux aussi ont perdu un frère ou un fils. Eux aussi ont fui le Sri Lanka. Trop de pression, trop de menaces. Aujourd'hui, ils survivent dans une extrême précarité. Dans un camp de réfugiés, ils attendent qu'un pays veuille bien leur donner l'asile, comme on offre la charité. Leur constat est sévère. La France les a abandonnés. S'il y avait eu des Français avec eux, c'est sûr qu'on les aurait sauvés. La France aurait mis une bien plus grande pression sur le gouvernement sri-lankais. En plus, les meurtriers n'auraient pas osé créer un incident entre les deux pays. Maintenant, il faut trouver qui les a assassinés. Il faut que justice soit faite. J'aimerais bien que l'ambassade de France suive les procédures judiciaires. J'aimerais bien que la France fasse comme s'il y avait eu des Français tués à Moutour. À notre connaissance, la France n'a répondu à aucune demande d'asile de ces familles de victimes. L'ambassade de France au Sri Lanka n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Un extrait de Moutour, un crime contre l'humanitaire, 2007. Anne Poiret, quand on part investiguer, quand on part enquêter, j'imagine qu'on a au fond de soi l'espoir d'arriver avec quelque chose qui aura une réponse. Or là, avec votre documentaire, c'est typique d'une enquête qui n'aboutit pas. Pas abouti, parce que le juridiquement, l'ONG, Action contre la faim, à ce moment-là, avait une stratégie ils ont décidé de faire profil bas, voilà. Ouais. Pour pouvoir rester dans le pays, pour ne pas être viré du pays et pour pouvoir voilà, qui était probablement une mauvaise stratégie à cette époque-là, puisque en acceptant de se taire et de jouer le jeu de l'enquête locale, Quelque part, c'était perdu d'avance. On savait que l'enquête, il y avait les apparences de l'enquête, mais ils avaient, rien n'était fait pour que, tout était fait pour que ce soit étouffé. Et c'était criant là-bas, tout le monde le savait. Donc pourquoi ils ont choisi cette stratégie-là à ce moment-là, je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont changé après. Quelques années plus tard, ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé, ils sont partis du Sri Lanka, ils ont décidé d'être... Ils partent 2 ans après les événements, voilà, je crois. Mais c'est très long, en fait, parce que c'est cette fenêtre-là où ils auraient pu vraiment en faire un... Du bruit. Un bruit énorme pour en faire un cas un cas d'école, quoi, contre ce pays et contre la façon dont leur staff avait été traité. Ils ont changé et ils ont tenu sur la longueur. Après, ils ont vraiment essayé de suivre les choses et ils ont obtenu, enfin, ils ont joué cette autre carte de la commission d'enquête au Conseil des droits de l'homme, où ils ont réussi à obtenir longtemps après que quelque chose soit ouvert et que ces morts-là soient englobés dans une enquête beaucoup plus grande contre le Sri Lanka, contre ces années qui sont les prémices en fait du bain de sang contre les tigres tamouls. Mais c'est vrai que c'est nous on arrive dans un moment qui est très particulier et la France à ce moment-là n'a accueilli personne. Ils donneront quelques statuts de réfugiés à quelques membres d'Action contre la faim et à des familles, quelques mois après le documentaire. Au moment où on filme, il s'est complètement bloqué. En 2014, le Conseil demande de manière explicite la création d'un tribunal spécial à dimension internationale pour enquêter sur l'affaire, afin que justice soit rendue. Cette demande, approuvée par les Nations Unies et par le gouvernement sri-lankais, n'a toujours pas été mise en œuvre aujourd'hui. En mars 2017, le gouvernement obtient un délai supplémentaire d'un an pour créer un tribunal. Le traitement de l'affaire continue à être repoussé. On va dire que c'est la première illustration de ce dont je parlais en début d'émission, à savoir la notion d'échec. C'est absolument quelque chose qui a effectivement irrigué peut-être toutes les années 2000 et 2000, ces deux dernières décennies. C'est l'échec l'échec des bonnes intentions, l'échec du droit humanitaire, l'échec du multilatéralisme, l'échec d'une certaine conception de l'ONU. Oui, bien sûr, c'est ce qui est à l'œuvre partout et c'en est probablement le... C'est tout ce qui reste à ces gens, le droit, la croyance en un droit international, mais c'est pas opérant. C'est malheureusement plus opérant. Si ça l'a jamais été, mais en même temps, c'est le seul espoir, donc il faut quand même jouer le jeu, il faut quand même y croire. Et ils ont cette espérance. Histoire vivante. Suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Êtes-vous d'accord, Anne Poiret, pour dire que Fabrique d'un État, film que vous réalisez, mais vous me corrigerez peut-être sur les dates, autour de 2013, qui porte sur le Soudan, qu'on avait déjà diffusé dans Histoire vivante, et dont on rappelle en quelques mots, c'est le... Là encore, vous arrivez au bord de l'événement, la création d'un nouvel État qui se rajoute aux 192 précédents. Je crois que c'est le 193e. Si absolument. Voilà. Soudan du Sud. Alors, à l'époque, on voit bien, vous filmez cette espèce de gigantesque mécano, notamment chapeauté par Lisa Grande, responsable pour les Nations Unies de toute cette opération. On regarde ça avec une sorte de... Je me souviens en tout cas de ce sentiment-là au moment où j'avais vu votre documentaire. On regarde ça non sans un certain scepticisme, parce qu'on sait que ces bricolages-là, s'ils sont beaux sur le papier, peuvent parfois souffrir de certaines difficultés dans la pratique, sur le terrain. Évidemment, à distance, 6 ans plus tard, et vu l'état du Soudan aujourd'hui, là encore, la notion d'échec... est définitivement patente. Alors, vous nous rappelez un petit peu les conditions de votre tournage et ce que vous allez faire ? À ce moment-là, en 2008-2009, je rêve de faire un grand documentaire, vraiment sur les après-guerres, essayer de trouver le bon endroit pour parler des après-guerres, peut-être trouver deux, trois pays, les comparer, et évidemment m'intéresser à l'ONU, parce que quand on pense post-conflit, évidemment c'est l'ONU qui est toujours en charge de ça. Pour nous, c'est, alors peut-être pas à Genève, mais en France c'est souvent assez lointain l'ONU, on ne se rend pas compte concrètement de ce que ça veut dire, mais pour des populations entières, des pays entiers, c'est presque comme un gouvernement, voilà, c'est fondamental en tout cas. Et eux les connaissent très bien. Et donc voilà, on cherche un pays, je m'associe avec Florence Martin-Kessler et on cherche un pays. Et on se rend compte que, donc je vous ai expliqué, c'est très très long de vendre un projet, donc il faut pouvoir imaginer l'endroit où dans un an il va se passer quelque chose, parce que bon. Et on réalise que il y a ce référendum qui va avoir lieu sur le Soudan du Sud, qui fait suite à des accords qui ont été négociés de haute lutte après, dans le cadre d'un accord de paix à la suite d'une guerre civile épouvantable entre le nord et le sud du Soudan. Et que parmi les possibilités de cet accord, il y a, si rien n'est fait pour réintégrer le sud et pour retricoter quelque chose entre le sud et le nord, il y a une possibilité d'un référendum et qu'un pays pourrait voir le jour. Et on se dit, c'est ça qu'il faut aller, filmer. Et donc on se met dans les pas de Lise Grandet, en effet, qui est la numéro 2 de l'ONU sur place. Et du vice-président Riek Machar, au moment de la déclaration d'indépendance, et on les suit pendant quasiment un an, et on suit les péripéties en fait de ce tout jeune pays, et en sachant par avance que la création de cet État ne est à la fois quelque chose qui porte les gens, parce que tous les gens qu'on rencontrait, ils aspiraient, ils étaient très heureux de la création, c'était un moment de grande joie ce mois de juillet 2011 pour eux, mais c'est sur le papier, tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner, voilà, ils ont absolument rien réglé avec le Nord au niveau du partage des richesses, qu'ils ont eu jusqu'à présent un ennemi commun, mais il y a déjà eu entre les Nuer et les Dinka énormément de conflits avec des choses épouvantables, y compris dont est responsable Riek Machar, qui a déjà présenté des excuses, c'est très très chargé, donc on sait que tout ça peut imploser tout de suite. Mais effectivement, oui, ça a mal démarré et ça s'est horriblement mal fini. Mais quelle question ça vous pose à vous qui, parce qu'on vous l'a entendu, vous ne venez pas pour faire la démonstration de l'inanité de ces projets. Vous êtes plutôt, si j'ose dire, prête à les défendre, à les soutenir, mais en même temps avec une froide lucidité de caméra qui consiste à dire voilà à quoi ça ressemble très concrètement, que ce bâti là, cet artificiel là. Oui, parce que c'est la je pense que ce qui est intéressant à montrer, en tout cas moi c'est comme ça que quand je m'intéresse à un sujet, ce que je constate toujours, c'est que les choses sont d'une complexité folle, donc il faut essayer d'avoir ce regard où on montre les enjeux, effectivement, les bonnes intentions, les grandes valeurs universelles de l'ONU, la responsabilité qu'on a, puisque en France, on est membre du Conseil de sécurité, c'est quelque chose dont les Français ne se rendent pas du tout compte, qui est très peu exploré en France, de cette énorme responsabilité, de cet énorme pouvoir qu'on a. Et l'ONU est rarement... Ils agissent en notre nom, en tout cas nous, Français, de façon très forte, parce que vraiment être membre permanent du Conseil de sécurité, ça a une implication énorme dans ce genre de situation. Et ils ne sont, contrairement à nos gouvernements qu'on ausculte, qu'on critique, sur lesquels on débat, qu'on challenge, ça n'est jamais fait avec l'ONU. Et ça, c'est très problématique, parce que ces millions, parce que c'est des sommes colossales, qui ont des impacts gigantesques dans ces pays-là, ne sont pas auscultés. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui nous a vraiment importé, en fait, de montrer concrètement, voilà, comment ça, quand on se dit, on va désarmer les gens, par exemple. Le désarmement, c'est un petit mécanisme que la DDR, comme c'est appelé dans les programmes onusiens et puis des grandes ONG aussi, c'est-à-dire on désarme, on démobilise et on réhabilite les populations, puisqu'on sait que dans des problématiques d'après-guerre, ce qui est le plus dangereux, c'est les combattants, parce qu'ils savent rien faire d'autre que se battre, et que c'est des agents déstabilisateurs des paix, parce qu'ils savent pas faire, d'abord pour certains, ça les amuse beaucoup, ça les occupe, ça leur donne des revenus. Et puis parfois ils ne savent vraiment rien faire, ils ont passé toute leur vie à faire ça, donc il faut leur apprendre autre chose, quoi. Donc il y a des programmes en Afghanistan qui ont été créés, dans plein d'endroits, et ça ne marche jamais, c'est toujours absolument dramatique, mais ça, c'est en même temps c'est ce qu'ils savent faire, donc ils mettent en œuvre ces choses-là. Et c'est vrai que dans le film il y a cette scène complètement cocasse où on voit des programmes qui ont des lignes budgétaires qui sont absolument gigantesques et qui arrivent à dans le fin fond d'un district du Soudan du Sud, sous un arbre, à l'ombre d'un arbre, par une distribution de brouettes, parce que c'est comme ça que finalement des combattants, alors en plus à ce moment-là on sait même plus quand ils ont été combattants, ils ont l'air tous d'être un peu retraités, bon, mais on les forme à être agriculteurs, et donc on leur donne à l'issue d'un programme très très long une brouette. Bon. Donc c'est vrai que c'est complètement voilà, ça nous a intéressé de montrer ces raccourcis, parce que finalement, concrètement, c'est ça. Le programme de démobilisation au Soudan du Sud n'a pas d'équivalent au monde par sa taille et son ambition. Le programme va durer 8 ans. Il va coûter $1,2 milliard. Les deux premières années, 164 millions. Pour les 8 ans, 1,2 milliard. La contribution la plus importante sera celle de l'État. Après une année, et malgré les bonnes intentions, le Soudan du Sud, soutenu, financé, fabriqué par la communauté internationale, reste un État en devenir. Sans loi, sans ordre, sans paix. Seule la promesse de liberté pour un peuple opprimé s'est imposée. Nous sommes des milliers à croire au potentiel de ce pays. Il y a tant de promesses. C'est un pays qui a beaucoup de richesses. Un endroit où il pourrait faire bon vivre. Qui pourrait avoir sa place sur la scène mondiale. Alors voir certains dilapider les ressources du pays ou se les accaparer, des ressources obtenues par le sang versé et par les efforts de tant de monde, 3 500 000 personnes sont mortes ces 50 dernières années. C'est très douloureux, surtout quand on se donne autant de mal. Ce n'est pas pour ça que mon grand frère est mort. Un extrait de Fabrique d'un État, documentaire réalisé en 2013. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Syrie, mission impossible. Voilà un autre thème autour de la question de l'échec, encore que au moment où vous vous frottez au documentaire. Alors, vous annoncez tout de suite la couleur, parce qu'en ouverture, on a le droit à la succession des négociateurs en chef qui ont tous, les uns derrière les autres, démissionné. Le troisième qui arrive sur la liste, Stéphane Mistura. Et puis, vous arrivez à obtenir une autorisation de tournage qui est quand même pas banale, c'est de pouvoir être à côté de lui pour suivre le travail et voir aussi, peut-être de près, comment un diplomate comme lui travaille? Qu'est-ce que vous avez appris à cette occasion-là? Alors, il nous a autorisé à le filmer. On a eu évidemment que des... Il n'était évidemment pas question d'être là quand il parlait avec Lavrov et Kerry, les ministres des Affaires étrangères russes et américains à ce moment-là, ni des vraies négociations. Donc, on a eu les débuts d'une rencontre avec un ambassadeur russe, une toute petite conversation voilà, dans une voiture. C'est des miettes, mais rien. Mais même ça, c'est absolument fascinant pour essayer de comprendre sur le cas d'école qu'a été malheureusement la Syrie. Ce rapport de force entre Américains et Russes et ce conflit mondial en fait qui se passait à ce moment-là autour de la Syrie, et ça on pouvait évidemment pas le prévoir, mais dans une temporalité qui a été fascinante, qui était au moment de la chute d'Alep Est. On a commencé à filmer Stéphane de Mistura en août et on a terminé en janvier. Donc c'est vraiment toute la chute de l'est de la ville, donc ça qui est un tournant majeur hein, dans le conflit en syrien. Donc ça, c'est vrai que c'était un voilà, on a eu c'était pas prévu et c'est très parlant, enfin c'est-à-dire ça crée quelque chose, c'est vraiment la descente aux enfers de l'ONU à ce moment-là, elle est visible en fait à travers, et elle s'incarne à travers ce diplomate qui est, contrairement aux deux autres, vraiment un produit de l'ONU. Il a fait toute sa carrière comme diplomate dans beaucoup beaucoup de missions en Afghanistan, voilà, c'est vraiment un quelqu'un qui est vraiment représentatif de ce monde-là. Et oui, moi j'ai vraiment trouvé ça C'est un émotionnel imperturbable. Ah oui, il est imperturbable. Oui, il avale. Bon, c'est ce que ses opposants et ses critiques lui reprochent, hein, de ces deux pas taper du poing sur la table. Pas taper du poing sur la table, d'être faible et d'être voilà, très coulant comme ça. Lui, il disait que c'était sa force et que c'était ce qui faisait qu'il pouvait continuer à parler à tout le monde. Pendant ce temps, le cessez-le-feu en Syrie ne tient plus qu'à un fil. On parle beaucoup ici de l'inaction des Nations Unies dans les principaux conflits comme en Syrie. Nous avions presque un cessez-le-feu. Nous avions presque un accès humanitaire. Nous avions presque un accord sur Al-Nusra et un accord pour garder au sol l'aviation syrienne. Presque. Ce n'est pas assez pour la Syrie. J'en ai bien conscience. Merci beaucoup. Ce sont les Russes, n'est-ce pas? Je le suspecte. Je ne peux pas l'affirmer. Mais ça vient de ceux qui ont des avions. Oui. Soit ce sont des Syriens qui ont voulu saboter le plan des Russes, ou alors ce sont des militaires russes sur le terrain qui ont décidé de venger l'attaque de Teresor de façon complètement naïve et grossière. Nous ne sommes pas enregistrés, n'est-ce pas? Non. On reste en contact. Hein. Un extrait de Syrie, Mission Impossible 2017. Dans un sujet comme celui-ci, Anne Poiret, dans quelle mesure est-il complexe, difficile d'éviter de donner une traduction manichéenne avec les bons et les méchants, sachant que là, disons, l'ensemble des médias occidentaux a très nettement choisi son camp. Vous optez pour quelque chose qui est plutôt la longue durée, plutôt d'essayer de saisir, et on pourrait vous en vouloir de ne pas choisir votre camp, comme on peut reprocher Stéphane de Mistura de ne pas être suffisamment tranchant. Alors comment on s'y prend là? Je crois qu'il a été très critiqué par les Russes, ce documentaire, donc je pense pas qu'il ait été perçu comme un film particulièrement pas à charge, mais de toute façon, quand vous êtes Arte, vous ne pouvez pas obtenir un visa à l'époque, vous ne pouvez pas obtenir un visa pour la Syrie, parce que vous êtes Arte, même si, moi, j'avais pas couvert le conflit, ni dans un sens ni dans l'autre. J'avais jamais été en Syrie, donc théoriquement, ils auraient dû pouvoir imaginer que je pourrais avoir une perception indépendante. En tout cas, ils ont estimé que, appartenant à Arte, je ne l'étais pas. Donc, ils nous ont pas laissé venir. La scène qui est à... Alors, ce qui nous a pas énormément gêné, parce que Staffan de Mistura, qui est donc le négociateur de l'ONU dans le conflit, pour essayer de trouver une solution politique à ce conflit, qui, donc, évidemment, n'a pas très bien marché... C'est un euphémisme. Lui-même ne va quasiment pas en Syrie, c'est-à-dire qu'il est pas du tout en bon terme avec eux. Et pendant les 6 mois où moi je le suis, à ma connaissance, il n'y va qu'une fois. Et moi je suis prévenue quelques jours à l'avance. On a essayé, il m'a demandé d'obtenir le visa de mon côté et on l'a jamais eu. Et j'avais déjà tout mis en œuvre pour essayer de demander d'aller mon côté. Ça n'a pas été possible. Donc bon, ça ne nous a pas tellement gênés parce que lui-même ne pouvait pas y aller et que l'essentiel de son travail se faisait entre New York, la Suisse et les capitales occidentales et la Russie. C'est compliqué de répondre à votre question parce que moi j'ai essayé de ne pas prendre parti, mais ça a été un moment quand même très particulier, cette chute d'Alep Est. Très dramatique, c'est un moment, surtout pour l'ONU, qui est un moment très dramatique pour eux, parce que c'est vraiment le... lui, il passe son temps à dire non, je ne démissionne pas, je ne vais pas démissionner, mais il est... voilà, évidemment, tout le monde attend ça de lui, et il survit à ce passage-là, et voilà, pendant encore 2 ans après. Anne Poiret, on va se retrouver demain, parce qu'avec vous, le temps passe vite, plein de choses à raconter. À demain. À demain. Demain, suite de nos entretiens avec la réalisatrice Anne Poiret, il y sera question de Mon pays, fabrique des armes.